représente l'Oise. Je représente l'Oise. J'accouche les pas et rate plus d'un 3 rage. Vois l'état du haut de mon croisé doigt. Doigt est dans l'illégal, j'ai d'un trigal. Quand le bec recale, ratatata. Quand le clan crie qu'un tricard. Par les balles, on se met à pleurer, chialer. Toute la merde qu'on a endurée. Dans le game, les tchots de la tête sont prématurés. C'est la crise, j'rappe pour les frères dans le milieu incarcéral. Mon microphone tellement c'est la dalle. Car le ZS fait rare. L'état veut nous ramettre, nous noyer dans des verres de vodka. Mon avenir est flou, à trop viser les verres de vodka. Ça rit, harcelé par les ribous, ça va une ripa. J'prends la rue pour celle. La vie est belle comme les promesses de la France. Tout ça c'est vrai comme la vengeance de mes frères. J'rappe que pour les vrais. Pour les cas, sur ces assos, c'est très compté. Sans ceux qui précassent, le cœur usé. Sartez les usines. On est bon quand t'as fait à l'usine. Nos gens créent, c'est la zone. Ça pète la cise. La foutaise ou mama, Ketox. De la com à Saint-Ox. C'est gangsta shit. On représente l'Oise. À 50 bords de Belize. Les frères baram leur knuckle pendant que ça pose au ralice. J'représente l'Oise. À 50 bords de Belize. Les frères baram leur knuckle pendant que ça pense au ralice. J'représente l'Oise, à 50 bandes de Belize. Les frères baram leur knuckle pendant que ça pense au ralice. Les faux veulent imiter les gangsters. En squattant dans nos caves, en imitant Tupac en poster. Leur seul but c'est se faire des millions. Mais ce qu'ils ont su faire c'est zouker dans des boîtes et jouer les mignons. Fumer des grammes c'est le pouvoir qu'ils ont eu dans des cages. Faire de la hagra aux faibles à ceux qui n'ont même pas leur âge. Ils veulent qu'on stoppe, jaloux notre putain de bis qu'ils veulent qu'on stoppe. Car on vit bien, eux n'ont pas les moyens s'acheter des clopes. Nos frères en prison ça vous soulage. Jouer les fous, en leur absence je n'appelle pas ça du courage. Encore moi haga, les gens qui ont des petites dégaines. Leur technique de survie c'est éviter les petits dingues. Petite test quand t'as le bis qui cogne. Et que t'as le contrôle de zone, t'entends les jaloux qui grognent. Rêvez bien, vous aurez jamais nos petits sous. Vous remballez au resto du cœur ou vous gratterez une petite soupe. Chez nous on a notre propre justice. La preuve quand t'appelles la police, c'est là qu'il y a de l'injustice. Leurs menottes permettent de mettre mes frères ou à terre. Et si les mettent à CPD, ça sera sous terre. Aucun de nous vous serre la main car aucune envie. Que ma famille et mes potes se tapent une envie. La foutaise ou mama, Ketox. De la com à Saint-Ox. C'est gangsta shit, on représente l'Oise. À 50 bords de Belize. Les frères baram leur knuckle pendant que ça pose au ralice. Je représente l'Oise. À 50 bords de Belize. Les frères baram leur knuckle pendant que ça pense au ralice. Je représente l'Oise. À 50 bords de Belize. Les frères baram leur knuckle pendant que ça pense au ralice. Refrain, faut pas se voiler la face. L'Occident nous a trahis. Ils nous ont promis monde et merveille. Évolution, esprit en éveil. Y croire, on a failli. À force de lâcher la corde, en nous ils ont trouvé la faille. C'est la faillite, moi c'est l'ennemi. J'arrive pour changer la donne. Au micro, c'est danger. Engrange le stylo, ma voix aime quand ton cœur bat. Et si on tourne jamais en rond, c'est qu'on se prépare pour la carpa. Le son est carré, normal, c'est Crazy Wild l'ennemi. Jamais mal et mes mal, avec eux, jamais s'aliéner. Le rap me sert de liane, alors je m'accroche. Pour ça, même Tarzan, direct, je suis nienne. Alors MC approche, tout day j'ai de l'inspi. Je te parlerai pas de tout ce qui se monnaie. Comme si t'étais au-dessus des autres, ouais. Mon œil, on veut 6-0 dans la somme. 25 meuches dans la cons. T'entends le dérapage qui présume la consonne. Qui présume la consonne. La foutaise ou mama, Ketox. De la com à Saint-Ox. C'est gangsta shit, on représente l'Oise. À 50 bords de Belize. Les frères baram leur knuckle pendant que ça pose au ralice. Je représente l'Oise. À 50 bords de Belize. Les frères baram leur knuckle pendant que ça pense au ralice. Je représente l'Oise. À 50 bords de Belize. Les frères baram leur knuckle pendant que ça pense au ralice. Pour les frères au ballon, Ala, Citron, Kazoo, Bison, Kawara, Gan, Tanner, Arun Star, Sheriff. C'est pour mon pote, Dexwat, Crime Show 64, 4B, La Chatte, Autruche, la commanderie, nos gens sur Oise. Les frères d'armes, Jidma, Ketox, Ennemi d'État, La Foutaise ou Mama. Je représente l'Oise.